Une émission un petit peu particulière parce qu'elle est troublée par une actualité intense. J'ai voulu au passage rendre hommage à des amis qui subissent actuellement les foudres de la guerre. Je veux parler d'Osiris. Osiris tout de suite. Let's do it. Mon ami Leonardo du label Moon June, un label américain, signale à notre attention l'album publié par le groupe de Téhéran Quartet Diminished. Quartet Diminished, un album intitulé Dear Ran, D2E-R-A-N-D. Voilà, c'est un groupe qui a été formé en 2013 et cet album. Eh bien, il est disponible depuis 2024 sur son site. Voici un large extrait avec notamment la participation de Monsieur Tony Levin. Partons maintenant en Ukraine avec Carfagen. Thank you. That's what you learn. À Seigneur tout honneur, on démarre avec mon premier album solo intitulé Shallow Willow, tout de suite sur Prog à part, l'émission du rock progressif. Into his love. On continuera avec un petit flashback avec Silver Hunter, mes amis de Silver Hunter et The Last Train, un mini-album fabriqué notamment avec l'intelligence artificielle qui date de 2024. Crow in the dead of night, la paloma por la nieve, and the earth muriendo slowly. Le corbeau croissant la nuit, la colombe pleurant dans la neige, and the earth muriendo slowly. But your smile twinkling in my heart, give me faith in this shallow life. But your hand holding mine tightly, give me hope in this phony world. The ghost in the concrete jungle, the homeless cat lost on the street, and the earth muriendo slowly. Le fantôme errant dans le temps, le chagnon long après un maître, and the earth muriendo slowly. But your smile twinkling in my heart, give me faith in this shallow life. But your hand holding mine tightly, give me hope in this phony world. But your smile twinkling in my heart, give me faith in this shallow life. But your hand holding mine tightly, give me hope in this phony world. C'est tout nouveau, c'est tout beau, ça vient de sortir, ça s'appelle Tarot. Ce sera en interview dans le prochain Six Dragons. Je veux parler de Magenta. truth must be told. Shout out the feeling so clear. Give me the power, gives us life again. True love waits for me. Hail enchanted queen in your arms. C'est tout nouveau également, ils viennent du Jura. Je veux parler de mes amis de Motis. Motis qui frappe fort avec Voyager. Avancer, avancer, évoluer le nez au vent. Sac à dos harnaché, caracolant sur les sentiers. Avancer, avancer, toujours aller de l'avant. Curieux du bout du monde qui n'existe pas vraiment. Voyager, voyager, déambuler dans les Balkans. En Méditerranée, ondulant à dos. Naviguer, naviguer, sans se soucier du sextant. Glisser sur ma monde de Panama en partir explorer les latitudes fantasmées. Oser, oser hisser la grand voile dans le vent. Pour embrasser le monde et chevaucher les océans. Lui, il est anglais, avec un nom comme ça, on pourrait confondre facilement. Mike Oldfield, et non pas Mike Oldfield. Mike Oldfield, On the Brink, un premier opus de 2026. Thank you. Fidèle au poste, mes amis de Suisse continuent leur travail de réédition. Voici maintenant Supervision qui date de 82. Flame Dream. Thank you. Pablo El Enterrador. Pourquoi Pablo El Enterrador, ce groupe argentin? Tout simplement parce que vous trouverez dans le prochain Acid Dragon une très large interview. Et je vous propose leur dernier album, ensemble en tout cas, Three Phonic, qui date de 2016. Et enfin, on termine avec le Lyonnais Frank Carducci. Frank Carducci, il est là, il est de retour avec Sheeple. Frank Carducci. The universe created me with nature and diversity spread all around between the mountains and the seas. Below the ground, above the trees, I'm free. Nothing's created, nothing's lost. Instead, everything is transformed all over me. Throughout the rain and crystal frost, a peaceful dream at no cost. hated me. How wonderful I could have been if you were wise, with your magic smile and deadly frown. I had to try and slow you down, because you went too far. With your strong will to survive, to conquer and to thrive. So selfishly, there was not enough room on me for you. So you managed to destroy yourself too. We'll be right back.